Je suis Khaled, fils d'immigré, j'ai grandi avec pour amis celle qu'on appelle difficulté, pourtant ennemi de l'avidité. J'aime la France et sa mixité, des grands-parents algériens fuyant la misère. Ils n'avaient rien, donc rien à perdre à part la guerre et la gégène. Et bye bye les roumis, on style taille, ouais youpi. On ne veut que la paix, du travail à tout prix. Débarquer dans la belle ville de Marseille, passer 6 mois dans des bidonvilles sans que des gains les harcèlent. Direction Besançon, le quartier de clair soleil, c'est là que j'ai grandi, moi. Je suis Khaled. Je suis Khaled. Je suis Khaled. Je suis Khaled. Élevé comme un bon français, poli et courtois. Trop souvent les élites me méprisent et me tutoient. Intelligent, je ne le prends pas pour moi, mais dans le fond c'est blessant. Toi tu te demandes pourquoi, car je suis né ici, car j'ai grandi ici, fais mes études ici. Pourtant les gens d'ici me voient comme un étranger, en oubliant que beaucoup sont venus pour périr dans les tranchées. Jeune entrepreneur, je tends la main à mes semblables. Tout à coup ma vie s'emballe, fin de journée je glisse mes pièces dans le rodateur. Puis je vois ce mec pour qui mon faciès est provocateur. Et là il s'approche de moi, un arabe en costard. Je vais me le faire, je vais tuer, sale arabe. C'est tout ce qu'il voulait ce soir là. J'ai vu la haine dans son regard, il me crache à la figure. Quelques coups, je me retrouve à terre. Là je pense à mon fils qui ne connaîtra pas son père. Mais ce jour là, la police m'a sauvé la vie. Même si ce lâche avait pris la fuite, lui c'est Philippe, nostalgique du Troisième Reich. Le radicalisme l'a rendu barge. Notre pays a un passé de colons, armé dans un treillis, envahi pour du coton. Mais dans le fond, comme toi, je suis byzantin. Mais ce jour-là, j'ai subi mon teint. On n'a pas la même France, la tienne c'est celle de Vichy. La mienne s'enrichit de nos différences. On n'a pas la même France. La mienne s'enrichit de nos différences. Je suis Khaled, cet innocent roué de coups qui appelle à l'aide. Je suis français comme vous, mais je m'appelle Khaled. Je suis Khaled, tu sais la France, je l'aime, c'est aussi mon bled. Il m'a raté ce con, je suis toujours pas d'aide. Au fond, je crois que c'est lui qui a besoin d'aide. J'ai la main sur le cœur, mais des larmes sur les joues. Je vais tuer sale arabe, j'y repense chaque jour. Est-ce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment? Concours de circonstances au reflet d'une triste France. Jugé pour nos racines, qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Je sens pousser le racisme, est-ce vraiment un hasard? Média et politique sèment les crêtes de la haine raciale. Entre nous on se saigne pendant qu'ils parlent de conquête spatiale. Grâce à Dieu je m'en suis sorti, j'ai eu gain de cause. J'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ibrahim Ali, Mamadou Bari, Shaoli Zhang, Ilan Halimi, Habib Grizmi. A vous toutes et tous, je pense à vous, même ceux que j'ai oubliés. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis Khaled, cet innocent roué de coups qui appelle à l'aide. Je suis français comme vous, mais je m'appelle Khaled. Je suis Khaled. Tu sais la France, je l'aime, c'est aussi mon bled. Il m'a raté ce con, je suis toujours pas d'aide. Au fond, je crois que c'est lui qui a besoin d'aide.